jambe en moins. Mais ici, t'es le bienvenu. Je vais te trouver du travail. Par contre, tu ne seras pas payé. C'est moi qui récupère la maille. Il faut quand même pas déconner. J'encule les clandestins. Je suis riche et j'en ai rien à foutre. Ce sont des moins que rien. J'aime ça et j'en raffole. Tu vis dans une cabane cassée. Tu l'as construite seule sous la pluie. Avec des tôles récupérées. De quoi tu te plains? Tu as tout eu gratuit. Clandestin, ne fais pas cette tête. Ici, tu es favorisé. À part quand tu vas aux toilettes. Parce que ici, tu n'as pas de papier. J'encule les clandestins dans ma grosse ce bagnole. Ce sont des moins que rien. J'aime ça et j'en raffole.